نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقبل أن نبدأ في الكلام أذكر نفسي وإخواني أن الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصواب والعمل الصالح. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'ikhlas, la sincérité dans les intentions et dans les actes. Et aussi, on demande Allah de nous donner l'exactitude et de nous permettre de mettre en pratique nos paroles. فهذه كلمات أكتبها لأذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغاربها أذكر بجيل ينبغي أن تضمنه الأفئدة وتحتضنه القلوب لنظل معه ويظل معنا في صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجهادنا وأخلاقنا وسلوكنا. Donc il s'agit de quelques paroles bénéfiques pour se rappeler et rappeler les musulmans, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, se rappeler d'une génération qui a marqué l'histoire de l'humanité. Une génération dont les cœurs doivent s'attacher et dont les regards doivent prendre comme modèle. Il s'agit de la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que dans nos prières, pour que dans nos adorations, pour que dans notre jeûne, dans notre djihad ou dans notre comportement et même dans notre croyance, ça soit nos exemples et nos modèles à suivre. اقتداءنا بهم يجلب لنا السيادة والتخلق بأخلاقهم يأتي لنا بالقيادة وحبنا لهم يأتي بالسعادة. Il faut savoir que celui qui prend comme modèle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura l'autorité, la suprématie, la domination et le pouvoir sur terre. Et le fait de les prendre comme modèle dans le comportement nous donnera le pouvoir et le fait de gouverner. Et notre amour envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donnera une paix et une sérénité dans cette vie. Chose que malheureusement beaucoup de musulmans et de musulmanes ont perdu. Et chose que malheureusement beaucoup de non-musulmans ne connaissent pas. Wa ya hazana wa ya alama innana mabtulina bihada al-layl al-bahim al-mudlahim إلا بتنكبنا عن مناهجهم وطريقتهم فألفنا الذل والمهانة وأصبح العز صعب المنال وتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها وطمع فينا الطامعون وتنازع علينا الكفرة والمشركون الكفرة والمشركون وتسابقوا لاستعبادنا وغزونا ونهب خيراتنا وإشعال لهيب الفتن بين أبناء هذه الأمة. Et malheureusement, et quelle grande est notre tristesse de voir l'épreuve et l'état dans lequel les musulmans sont aujourd'hui. Dans une nuit épaisse, une nuit sombre. Et tout ça, c'est dû à Tanakkub. Le fait de s'être écarté de la voie et du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiyallahu anhum. Et le résultat, c'est ce que nous tous nous constatons aujourd'hui. Al-dhullu wal-mahana. C'est-à-dire l'humiliation. Et c'est même devenu, yani, la puissance, la force est devenue difficile d'accès pour les musulmans. Au point que les communautés se sont abattues sur nous comme s'abattent les mangeurs sur un plat. Comme s'abattent les mangeurs affamés sur un plat. Et ils sont venus dans nos pays, ils ont puisé dans nos richesses, ils ont pillé nos biens, et ils ont laissé la hibul fitan, c'est-à-dire la flamme de la fitna, des perturbations dans les pays musulmans. Et ça, c'est une réalité qu'on constate tous les jours. Mais comme il dit le poète, مَهْمَا طَالَ اللَّيْلِ فَلَا بُدَّ لِلْفَجْرِ أَنْ يَعُودَ. Que la nuit soit longue, un moment ou un autre, la lueur du jour va revenir. إِنَّهُ لَنْ يُنْجِيَنَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ مِنْ بَلَاء إِلَّا أَنْ نَعُودَ لِكِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَى مِنْهَجِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ. Et la seule façon de nous sauver, de nous sortir de l'état dans lequel les musulmans sont aujourd'hui, dans tous les pays, c'est de revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna du prophète sallam, selon les pas, selon la compréhension, selon la voie des pieux prédécesseurs, des salafus salih, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallam et ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. لقد توعد الله عز وجل من يتبع غير سبيلهم بالتخلي عن هدايتهم واستحقاقهم عذاب جهنم وساءت مصيرا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé dans le Coran al-Karim, dans plusieurs versets, que ceux qui suivent un autre chemin que le chemin des compagnons radhiyallahu anhum, Allah les menace de s'égarer, de perdre l'hidayah, de perdre la guidée, c'est-à-dire l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ils mériteront le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'humiliation. Chose qu'on constate encore une fois aujourd'hui. Qala Allahu azza wa jal, la preuve de ce que nous sommes en train de dire, c'est la parole d'Allah azza wa jal dans sourate An-Nisa. Allah il dit « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي سبيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى dit dans le sens du verset, et celui qui fait scission de la voix du prophète après que la vérité lui est parvenue, regardez, j'attire votre attention, il suffit de faire scission de la voix du prophète pour tomber dans l'erreur et pour mériter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah rajoute dans le verset un autre paramètre. Il dit celui qui fait scission de la voix du prophète après que la vérité lui soit parvenue et qui suit un autre chemin que la voix des croyants. La plupart des moufassirines ont dit les croyants. Il s'agit des croyants sur lesquels le Coran est descendu, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui les suivent avec perfection jusqu'à la fin des temps. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui font ça, qui font scission de la voix du prophète et de ses compagnons, et des croyants, il dit nuwallihi ma tawalla. Nous ne détournerons de lui comme il s'est détourné de ce chemin. Wa nuslihi jahannam. Et nous le ferons tomber dans l'enfer. وساءت مصيرا. Et quel mauvais avenir. نسأل الله عز وجل عافية. الله nous en préserve. ذلك الجيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. Cette génération dont nous sommes en train de parler et dont nous allons tirer des enseignements de leur vie ou des parties de leur vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de cette génération, les meilleurs des hommes dans cette communauté, c'est mes compagnons, et ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont suivis. Ces trois premières générations ont reçu le tampon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puise ta croyance dans leur croyance. puisent ton minhaj dans leur minhaj, puisent ta ibada dans leur ibada, puisent ton akhlaq dans leur akhlaq, puisent ta mu'amalat dans leur mu'amala, puisent ta compréhension d'islam dans leur compréhension d'islam. Tu es sûr d'être sur la bonne voie. Comme disait l'imam Malik, rahimahullah, ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون بعده دين. Ce qui ne sera pas considéré comme religion à l'époque ne sera pas considéré comme religion après. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, إنما جعل عافية آخر هذه الأمة في أولها. Le salut des gens qui vont venir vers la fin des temps, leur salut de toutes les perturbations, de toutes les tentations, de toute discorde, de toute dispute, de toute animosité, de toute mauvaise compréhension, le prophète s'est dit, ce salut se retrouve dans le salut de, dans le fait de suivre les premières générations. Radiyallahu anhum. Inna al-firqatu allati yanju man yasiru ala nahjiha wa yahliku man yatanakkabu anha. Ce groupe du prophète et de ses compagnons, c'est le groupe. Celui qui emprunte leur voie sera sauvé, et celui qui s'en écarte sera châtié et périra, nas'alullah al-afiya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala thintayn wa sab'ina millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 firqah. ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وفي رواية وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. La voix du compagnon et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voix du salut. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, les gens avant vous, parmi les gens du livre, se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous seront en enfer, qu'Allah nous en préserve et qu'il préserve nos familles, les musulmans. Tous seront en enfer, sauf un seul groupe. Et les compagnons, ils ont dit, c'est qui, ya Rasulullah ? Ils ont dit, c'est Al-Jama'a, c'est le groupe. Mais quel groupe ? Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ceux qui sont sur ma voie, et celle de mes compagnons, radiyallahu anhum. C'est ça la jama'a. C'est la voix du prophète et de ses compagnons. ذلك الجيل الذي قال فيه ابن عمر radiyallahu anhuma لا تسب الصحابة لا تسب أصحاب محمد فلمقام أحدكم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. سبحان الله. Ibn Umar disait, n'insultez pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car un moment d'un de ses compagnons dans sa vie, c'est mieux que la pratique de l'un d'entre vous toute sa vie. Parce que c'est les hommes qu'Allah a choisis pour secourir le prophète et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min ajli hadha wa ghayrihi ra'aytu an aktuba fi sirati ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam لعلها تحفزنا تحفزني وتحفز إخواني للتأسي بهم والسير على منهاجهم لتدفعنا إلى العمل الدائم المستمر وعسانا بذلك نجني ثمار حبهم وعملا صالحا وسلوكا فاضلا وأخوة صادقة ومحبة نقية ومصيرا مبهجا. C'est pourquoi le shir, qu'Allah le préserve, hafidhahullah, a dit, j'ai choisi d'écrire sur la vie des compagnons, radiyallahu anhum, la'allaha tuhfizuna. Peut-être et certainement, elle va nous inciter, elle va nous pousser, ainsi qu'à tous nos frères, de suivre la voie, leur voie, afin qu'on pratique une pratique correcte et une pratique qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Et ainsi on va cueillir les fruits de leur amour, radiyallahu anhum, qui sera al-amal al-salih. Les fruits de l'amour des sahaba, radiyallahu anhum, sera dans la vie de tous les jours al-amal al-salih, la bonne pratique. Wa sulukan fadila, un bon comportement. Wa ukhuwatan sadiqa, et une vraie fraternité basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas basée sur les intérêts. Wa mahabbatan naqiyya wa masiran mubhijan, et un avenir réjouissant pour cette communauté. Donc là, il s'agissait d'une introduction pour montrer la valeur des compagnons radiyallahu anhum et qu'il est important aux musulmans de se rappeler des sahaba radiyallahu anhum. Et les ulama disent, yani, ce qui te permet de donner de la force al-himma, à te donner de la motivation dans la religion d'Allah, c'est de se rappeler siyara, siyar, يعني السلف الصالح على رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Ce qui te permet d'avoir de la motivation tous les jours, parce qu'il nous manque de la motivation tous les jours, c'est de se rappeler de la vie des compagnons radhiyallahu anhum. Et même certains ulama disent من الأمور التي تحيي القلب يعني مجالسة أهل العلم ومذاكرة سيرتهم. Parmi les choses qui font revivre le cœur après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a d'autres, c'est le fait de s'asseoir avec les savants et de se rappeler la vie des compagnons radhiyallahu anhu. C'est pourquoi aujourd'hui on va s'arrêter sur yani qissatu zawaj Umm Sulaym radhiyallahu anha. Umm Sulaym hiya ansariyah. Umm Sulaym, c'est une femme de Médine. Elle fait partie des Ansar, ceux qui ont accepté l'islam, qui ont accepté le prophète et qui ont accepté les compagnons. Et cette femme, aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'histoire de son mariage. C'est un petit moment de sa vie. Wallahi, de ce petit moment de sa vie, les ulama, ils ont écrit des livres et des pages et des pages. Un moment de sa vie. Et cette femme, pour montrer tellement elle est grande, cette femme, radiallahu anha, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a émigré à Médine, après quelque temps, elle est venue avec son fils, que vous connaissez tous, qui est Anas ibn Malik. Vous connaissez tous Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté en tout 2286 hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va comprendre pourquoi. Elle a rapporté son fils Anas ibn Malik et elle a dit au prophète Ya Rasulullah, khudhu khadiman lak. Prends-le, ya prophète d'Allah, comme il va te servir, il sera à ton service. Et l'imam Muslim rapporte dans son sahih, d'après Anas ibn Malik, regardez ce qu'il dit, Anas, le fils de Umm Sulaym. Il dit Khadimtu Rasulallah, sallam, 10 sinin. J'ai servi le prophète pendant 10 ans. Du moment où elle a ramené son fils chez le prophète, pendant 10 ans, il a servi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik n'aimait pas qu'on l'appelle Anas. Il aimait bien qu'on l'appelait Ya Khadim Rasulillah, le serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça le rappelait l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, quelqu'un qui est un serviteur va lui dire t'es un serviteur, il n'acceptera pas. Parce que c'était le serviteur du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit khadimtu rasulullah 10 sinin fama qala li uffin qat. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a dit ouf. Qu'Allah nous pardonne, parfois on fait connaissance avec un frère 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, ça y est, tu lui as fait mal à la tête. 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais le prophète lui a dit ouf. Regardez ce qu'il dit, pas seulement. وَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَا صَنَعْتَ. Et jamais le prophète, pour une chose que j'ai faite, il m'a dit pourquoi tu l'as faite. وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَا تَرَكْتَ. Et jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne m'a dit pour une chose que j'ai délaissée, pourquoi tu ne l'as pas faite. Regardez le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que chacun regarde comment se comporte avec sa femme. Hein, les réprimandes et les remarques. Ou avec sa famille. Et regardez ce qu'il dit. Après 10 ans de passer avec le prophète, il dit وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Le prophète صلى الله عليه وسلم était celui qui avait le meilleur comportement. ولا مسست والله si quelqu'un reste avec nous 10 ans, الله أعلم qu'est-ce qu'il va dire sur nous. ولا مسست دجاجا ولا حريرا ولا شيئا ألين كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit je n'ai jamais touché de tissu, que ça soit de la soie ou des vêtements de laine, plus doux que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala shamamtu miskan qattun wala itran kana atyabu min araq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il dit je n'ai jamais senti de musc ou de parfum plus agréable en odeur que araq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le fils, c'est Anas ibn Malik. Le prophète Sassim lui a fait deux A quand sa mère l'a ramené, et parmi lesquels le prophète Sassim lui a demandé qu'Allah lui donne une longue vie. Et c'est parmi les compagnons qui a vécu les plus, la vie la plus longue. Et il a eu beaucoup d'enfants, mashallah. Et il a ramené du prophète Sassim 2286 hadiths. Et aujourd'hui, on va voir donc l'histoire de Qissatu Zawaj Umm Sulaym. Umm Sulaym. An Anasin رضي الله عنه قال قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك. أنس rapporte, il dit mon père, donc Malik, le père de Anas et qui était le mari de Umm Sulaym, il a dit, lorsque le prophète sallam est arrivé à Médine et qu'il a commencé à mettre en place la charia d'Allah, il a dit cet homme, Mohammed sallam, il a interdit le khamar, l'alcool. Et il s'est enfui. Et il est parti vers Sham. Et il est mort dans cet endroit. Faja Abu Talha fakhataba Umm Sulaym fakallamaha fi dhalik faqalat ya Aba Talha. Subhanallah. Abu Talha, qui est un homme de Médine, il est venu voir Umm Sulaym pour la demander en mariage, qui est une chose tout à fait normale. Et regardez ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, Ya Abu Talha, ma mithluka yurad, walakinnaka mru'un kafir, wa ana mra'atun muslima, la yasluhu li an atazawwajak. Elle lui a dit, Ya Abu Talha, tu es un homme et des gens comme toi, on les refuse pas. On refuse pas de se marier avec eux. Mais moi je suis musulmane et toi tu es kafir. Il me convient pas, il m'est interdit de me marier avec toi. فقال ما ذاك ظهرك يعني ما ذاك همتك قالت وما ظهري قالت قال الصفراء والبيضاء اي الذهب والفضه. Elle lui a dit c'est quoi qui est important. Il lui a dit c'est l'or et c'est l'argent. Moi quand tu vas te marier avec moi, tu seras une femme fortunée, tu auras de l'or et tu auras de l'argent. قالت اني لا اريد صفراء ولا بيضاء اريد منك الاسلام فان تسلم فذاك مهري. Subhanallah. Elle lui a dit, moi je veux ni ton argent ni ton or. Je veux de toi l'islam. Que tu rentres dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Tu acceptes l'islam. Et si tu acceptes l'islam, ça sera là la dot que je te demanderai. Ça sera là la dot et je te demanderai rien d'autre. قال فمن لي بذلك فقالت لك بذلك رسول الله. Il a dit, dirige-toi vers le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va t'expliquer. فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ. Et Abu Talha, il s'est dirigé vers le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était encore kafir. Et le prophète était assis avec ses compagnons. Le prophète d'Allah, Azza wa Jal, un homme simple, il s'assied avec ses compagnons, il leur parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا رَآهُ قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. سبحان الله. Parce que le prophète l'a vu, il a dit aux compagnons, vous est venu Abu Talha, et la lueur de l'islam se lit sur son visage. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. Il a expliqué au prophète صلى الله عليه وسلم les propos de Umm Sulaym. Certainement, le prophète lui a expliqué le pourquoi. Il a accepté et il s'est marié avec Umm Sulaym, radiallahu anha. قال ثابت وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا. الإسلام مهرا. Et celui qui rapporte le hadith dit de Anas, il dit, nous ne connaissons pas de dot plus importante que le fait d'accepter en dot, en tant que mahar, la conversion de quelqu'un en islam. C'est pas plus grand que ça. فَتَزَوَّجَهَا وَكَانَتْ إِمْرَأَةً مَلِيحَةَ الْعَيْنَيْنِ فِيهَا صُغْرٌ. Et c'était une femme très belle, qui n'était pas très grande. فَكَانَتْ مَعَهُ حَتَّى وُلِدَ لَهُ بُنَيْنِ. Et elle était souvent avec son mari, Abu Talha, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné un enfant. وَكَانَ يُحِبُّهُ أَبُو طَلْحَ حُبًّا شَدِيدًا. Et Abu Talha, comme ceux parmi vous qui ont des enfants, aimait énormément cet enfant. Ceux qui ont des enfants, ils savent c'est quoi l'amour d'un enfant. وَمَرِضَ الصَّبِيِّ مَرَضًا شَدِيدًا. وتواضع أبو طلحة لمرضه وتضعضع له. Et cet enfant, il est tombé malade très gravement et Abu Talha, il a été bouleversé, il était un peu bouleversé par la maladie de son fils. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء أي الصبح يتوضأ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويكون معه إلى قريب من نصف النهار ويجيء ويقيل يعني يقيل ويأكل فإذا صلى ظهر تهيأ وذهب فلم يجي إلى صلاة العتبة أي صلاة العشاء. Et Abu Talha رضي الله عنه, leurs habitudes c'est qu'ils allaient faire la prière du matin avec le prophète et ils restaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Ils apprenaient leur religion d'Allah. Regardez de là, le musulman il doit passer un temps à la mosquée, rester dans le majal et cette dhikr, dans les assemblées où on se rappelle de la religion d'Allah, on se rappelle du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se rappelle de la sunna du prophète, on se rappelle du tawhid et on se rappelle de la sunna. Et il restait avec le prophète, ensuite il retournait chez lui, il faisait une sieste et il repartait faire l'isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ومات الصبي. Une fois, un jour, Abu Talha est parti faire l'isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son fils, il est mort. Regardez la mère de l'enfant. Elle va parler, on va te dire, c'est pas sa mère. Regardez comment elle va parler. فقالت أم سليم لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. Que personne n'annonce à Abu Talha la mort de son fils jusqu'à ce que ce soit moi qui lui annonce personnellement la mort de son fils. فهيأت الصبي فسجت عليه أي مدت عليه ثوبا ووضعته في جانب البيت. Elle a préparé l'enfant, elle lui a mis une couverture, un vêtement, et elle l'a mis dans le coin de la maison, comme si de rien n'était. وجاء أبو طلحة من عند رسول الله حتى دخل عليها ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه فقال كيف ابني. أبو طلحة il est rentré avec des gens de la mosquée et la première chose qu'il a demandé à sa femme c'est comment va son fils, ce qui est tout à fait naturel. فقالت يا أبا طلحة. سبحان الله. Regardez les femmes. اللهم بارك. Qu'Allah a éclairé le cœur. Elle lui a dit: ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة وأرجو أن يكون قد استراح والولد توفي. Elle lui a dit: Ô Abu Talha, calme-toi, ton fils il va bien et aujourd'hui il est en paix, il n'a jamais été en paix comme il l'a été. Abu Talha, il est content. فأتته بعشاء فقربته إليه فتعشوا وخرج القوم. Elle a rapporté la nourriture, l'achat. Les gens ont mangé et ils sont sortis. فقال فقام إلى فراشه ووضع رأسه ثم قامت فتطيب وتصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك. Et lorsqu'ils sont rentrés dans leur lit, elle s'est parfumée et elle s'est habillée des meilleurs vêtements et elle a mis le meilleur de ses parfums. ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون الرجل إلى أهله. Lui, il a senti l'odeur du parfum, il a vu sa femme habillée, ça a commencé, il a commencé à voir la chahwa et il a fait ce qu'un homme fait avec sa femme. فلما كان آخر الليل. Et à la fin de la nuit, قالت يا أبا طلحة. Regarde la femme. Comment maintenant elle va annoncer la nouvelle à son mari? Elle a dit: Oh Abu Talha, ara'aita law anna qawman a'aru qawman 'ariyatan lahum fa sa'aluhum iyyaha akana lahum am yamna'uhum yani mahdouf. Elle lui a dit: Oh Abu Talha, que penses-tu si les gens prêtent quelque chose à d'autres personnes et ensuite ces gens qui ont prêté réclament leur prêt. Est-ce que on va leur rendre ou pas? فقال لا, il a dit non, faut leur rendre. قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه فاحتسب واصبر. Elle lui dit ben Allah عز وجل t'a donné un fils, il était malade et Allah عز وجل l'a repris. Recherche patiente et recherche ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la aqidah sahiha. Faghadiba. Il n'était pas content. Thumma qala taraktani hatta idha waqa'tu bima waqa'tu bihi na'ayti ilayya ibni. Il lui a dit après tout ce qu'on a fait, c'est que maintenant que tu m'annonces la nouvelle. Fastarja'a wa hamida Allah. Il a dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah. Et c'est vers Allah que nous retournerons. Et il a remercié Allah Azza wa Jalla. Il a fait hamd Allah Azza wa Jalla. C'est pas une parole facile à dire. Je sais, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une femme pleurer son fils dans un cimetière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Isbiri. Elle lui a dit t'es qui toi? Et ensuite, on a dit à cette femme, cet homme c'était Rasulullah. Et il allait partir voir le prophète pour s'excuser. Et le prophète me dit As-sabru 'inda sadmati al-ula. La patience, c'est quand ça te touche la première fois. Et c'est pas facile. On a peut-être eu des situations personnellement dans nos vies, pas forcément une mort, mais des situations où on voit si vraiment on a réagi comme ça ou on n'a pas réagi comme ça. Bien sûr, être triste, pleurer, c'est tout à fait naturel. فلما أصبح اغتسل ثم غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فاخبره. Le matin, il est parti voir le prophète sallam. Regardez le réflexe des compagnons. Il lui a raconté. Pourtant, le musulman ne raconte pas sa vie personnelle à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est le prophète d'Allah, il lui a raconté cette histoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit barakallahu lakuma fi ghabiri laylatikuma. Yani fi laylatikuma al-madiya. Il a dit qu'Allah bénisse la nuit que vous avez passée. فثقلت من ذلك حمل. Et à la suite de ce rapport, de cette histoire, Sulaym est tombée enceinte. وكانت Sulaym تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل. Et Sulaym, avec son mari bien sûr, avait l'habitude, lorsque le prophète partait en voyage, elle l'accompagnait toujours dans ses voyages. Et lorsqu'il revenait, elle revenait avec lui. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا وَلَدَتْ فَأْتُونِي بِالصَّبِيِّ. Le prophète la connaissait. Il a dit, lorsque Sulaym va accoucher, apportez-moi le bébé. قال فكان رسول الله في سفر وهي معه وكان رسول الله إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا أي لا يأتيها ليلا فدنوا من المدينة فضربها المخاض واحتبس عليها أبو طلحة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti en voyage, et lorsque le prophète revenait de voyage, il ne rentrait jamais à Médine la nuit. Il attendait le jour et rentrait le jour. Et lorsqu'ils se sont approchés du retour d'un voyage de Médine, elle a eu al-makhad. Al-makhad, c'est les contractions, hein, les douleurs de, l'enfant, de l'enfantement. Et elle a retenu donc Abu Talha, qui est son mari. Le prophète Sami est parti avec ses compagnons. Et Abu Talha, il est resté avec sa femme pour s'occuper de sa femme. وانطلق رسول الله فقال أبو طلحة أبو طلحة إلى فين دعاء يدي يا رب إنك لا تعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى يدي والله tu sais combien j'aime partir avec le prophète صلى الله عليه وسلم sortir avec lui lorsqu'il part en voyage et revenir avec lui lorsqu'ils reviennent. Regardez l'amour des compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, il a dit, Ya Allah, regarde la situation, je suis bloqué. Qal, taqulu Ummu Sulaym. Au même moment, Ummu Sulaym, qu'est-ce qu'elle a dit? Ya Aba Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajid, fantalaqa. Elle a dit, Ya Aba Talha, ça va mieux, ça y est, je sens plus les contractions. Et ils sont partis, ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال وضربها المخاض حتى قدموا فولدت غلاما و... et ensuite elle a enfanté et elle a eu un enfant et elle a dit à Anas, à son fils Anas ibn Malik, hein, fils, son fils, elle lui a dit يا Anas لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله وبعث وبحث وبعثت معه بتمرات. Elle lui a dit, ramène-le chez le prophète et que aucune nourriture n'entre dans son ventre jusqu'à ce qu'il arrive chez le prophète. Et il lui a donné avec tamarat, les dates. قال فبات يبكي وبت مجنحا أي مائلا عليه أكائله أي يراقبه حتى أصبحت. Et Anas ibn Malik nous dit, je suis resté avec lui, il a pleuré, je l'ai surveillé jusque le matin. فغدوت به إلى رسول الله. Ils sont partis voir le prophète. « وَعَلَيْهِ بُرْدَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا » Et à ce moment, le prophète était sur une monture où il était avec un mouton ou bien « ibil », un chameau. Et il avait une bourda, c'était un vêtement. « فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ لِأَنَسِ أَوَلَدَتْ بِنْتُ مِلْحَانِ » Elle lui a dit « Est-ce que ta mère a enfanté ?» قال نعم قال فألقى ما في يده فتناول الصبي. Regarde, c'est le prophète d'Allah. Allah il lui a envoyé comme rahma lil alamin, comme mission. C'est une mission pour toute l'humanité. Et le prophète s'arrête pour s'occuper de cet enfant. Et il a tout délaissé et il s'est occupé de cet enfant. وقال أمعه شيء قال نعم تمرات. Il lui a dit, est-ce que vous avez quelque chose avec cet enfant? Il lui a dit oui, des dates. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن ثم جمع بزاقه ثم فغزفاه وأوجره إياه أي جعله في حلقه. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم, il a pris les dates, il les a mâchées et ensuite il a mis de la salive et il a ouvert la bouche et il lui a donné de ses dates dans le palais. فجعل يحنك الصبي. Le prophète a pratiqué technique, qui est une sunna lorsque une personne a un enfant. Hein? Il lui a pris son doigt et il lui a fait glisser dans le palais avec les dates. وجعل الصبي يتلمذ. Hein? يتلمذ, ça veut dire quoi? À ce moment-là, le jeune, il a aimé. يتلمذ, ça veut dire il a léché sa langue, ses lèvres avec sa langue. Il a aimé l'enfant. يمس بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il aimait la saveur, la douceur, hein, des dates, et surtout ريق رسول الله la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله. La première chose qui a rentré dans le ventre de cet enfant, c'est la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les sahaba prenaient la baraka des cheveux du prophète, de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'eau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال انظروا الى حب الانصار التمر. Il faut savoir dire regardez comment les ansar aiment bien les dattes. C'est pas comme nous, nos enfants ils sont petits, on leur donne du Coca-Cola et ils apprécient, hein. Là, ils les ont éduqués sur le tamar. فقال قلت يا رسول الله سميه. Il a dit au prophète d'Allah donne-lui un nom. فمسح وجهه وسماه عبد الله. فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. Le prophète sallam, il a essuyé son visage, il a passé la main sur son visage et il l'a appelé Abdallah. Et il a été rapporté, il n'y avait pas meilleur jeune, un jeune meilleur que Abdallah ibn Abi Talha ou ibn Umm Sulaym. قال فخرج منه رجل كثير واستشهد عبد الله بفارس. Et de Abdullah, il y a eu beaucoup d'enfants, et il est mort martyr, Fifaris. Donc ça, c'est l'histoire qui a été rapportée, al-Muhim, par Ibn Hibban, par Ahmed, par Nasa'i, et que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a cité. Et c'est plusieurs, par Al-Bukhari, hein, c'est plusieurs morceaux qui ont été collectés, que le Cheikh a fait, et qui a mis dans cette histoire. Alhamdulillah, l'histoire, elle est authentique. Maintenant, on va tirer les enseignements, puisque c'est min mawaqif as-sahaba, des enseignements à tirer de la vie des sahaba. Et aujourd'hui, ça va être sur zawaj Umm Sulaym, sur le mariage de Umm Sulaym. Lorsqu'elle a dit Umm Sulaym, lorsqu'il est venu la demander en mariage, et qu'elle lui a dit ma mithluka yurad, walakinnaka mru'un kafirun wa ana mra'atun muslima, la yasluhu li an atazawwajak. فقال ما ذاك ظهرك قال وما ظهري قال الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة قالت إني لا أريد صفراء ولا بيضاء أريد منك الإسلام فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره. D'accord, lorsqu'il est venu la voir pour la demander en mariage, il lui a dit des gens comme toi, on les repousse pas, on refuse pas leur mariage. Parce qu'il avait beaucoup de qualités. Il était kafir, mais il avait beaucoup de qualités. Mais tu n'es, moi je suis musulmane, toi tu es kafir. Je ne peux pas me marier avec toi. Et il a essayé de lui dire, mais si tu te maries avec moi, tu auras beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Il a dit, moi je ne veux ni l'argent ni l'or. Je veux que tu rentres dans l'islam. Et là, j'accepterai de me marier avec toi. Et ce sera ça, ma dot. Kalimatun jami'a tahaddatha fiha an husni khuluqi Abi Talha. أدب في اللفظ حتى مع المشرك تضمن الاعتذار إعطاؤه الأمل في طلبه بشرط إسلامه أسلوب دعوة فيها الحكمة والموعظة الحسنة تعجز أن تخرج مثله اليوم مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا ومساجدنا. Regardez le comportement que cette femme a eu avec cet homme. C'était un kafir. Et pourtant, elle lui a parlé de manière douce, avec bon comportement, et toujours en essayant de le ramener vers l'islam. Alors que c'était un mouchrik. Wallahi, aujourd'hui, malheureusement, cette sagesse, cette douceur, a disparu, ou bien est peu existante. Et même les universités, même les écoles, et même malheureusement, les mosquées n'arrivent plus à éduquer les gens selon cette éducation. Et lorsqu'elle lui a dit « Wa ana imra'atun muslima, la yasluhu li an atazawwajak »« Je suis une femme musulmane, je ne peux pas me marier avec toi. »« Hakadha kana al-islamu inda sahabati aghla min kulli shay. » يقدمون الدين على شهواتهم ورغباتهم وأنفسهم وحياتهم. Regardez, ça c'était la valeur de l'islam chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. il était plus cher, l'islam était plus cher pour eux que toute autre chose. Regardez, il vient, elle lui propose le mariage, alors que c'est une femme dont le mari est mort et qui a un enfant. Et il lui propose de l'argent. Elle lui propose, elle n'accepte pas. Pourquoi ? Parce qu'elle met l'islam au-dessus de sa passion, au-dessus de ses envies, au-dessus de leur personne et au-dessus de leur vie. انظر إلى ما نحن فيه من مصائب فكيف يقدم الناس شهواتهم وأهواهم على الدين. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le contraire. Beaucoup de gens mettent devant eux leurs envies et leurs passions et mettent au second plan, même au troisième ou au dernier plan, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. يزوج الغني وإن لم يرضى أولو الألباب عن دينه. Aujourd'hui, malheureusement, on marie celui qui est riche et on ferme les yeux sur sa religion, ou bien sur sa croyance, ou bien sur son niveau de religion. On marie la personne qui a un haut rang social et on oublie de regarder sa religion, sa façon de penser, est-ce qu'elle est en concordance avec la sunna du prophète sallam et la voix des compagnons radhiyallahu anhum. Inna mawqifa Umm Sulaym la yudhakkiruna bima rawathu Umm Salama. Et l'histoire de Umm Sulaym nous rappelle le hadith rapporté par Umm Salama qui dit lamma qadima al muhajirun al madina ala al ansar tazawwaju min nisa'ihim وكان المهاجرون يجبون يعني التجبية وكانت الأنصار لا تجبى فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il nous rapportait dans le hadith sahih que lorsque les gens de Médine sont arrivés à Mecca, les muhajirines se mariaient avec les ansar. Et les femmes des ansar, ils avaient une pratique sexuelle. Ou plutôt, les muhajirines, ils avaient une pratique sexuelle. Al-Muhim, ils avaient une certaine pratique sexuelle. Et les femmes des ansar ne pratiquaient pas ça. Et lorsque l'homme a eu un rapport avec sa femme et voulait faire cette pratique sexuelle, elle a refusé. Elle a dit, j'accepte pas jusqu'à ce qu'on demande au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi ? Est-ce que ça, c'est permis ou c'est pas permis ? قالت فأتته فاستحيت أن تسأله فسألت أم سلمة. Elle est venue voir le prophète pour lui poser la question, mais elle a eu honte. Donc elle a demandé à Umm Salama, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقال لا إلا في صمام واحد. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de ça, a descendu le Coran, dans lequel Allah dit, vos épouses sont un champ de labour, et labourez vos champs comme vous voulez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu peux pratiquer tout ce que tu veux dans la relation sexuelle, sauf, yani, tu ne dois pas pratiquer la sodomie. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, tu ne dois pas pratiquer, avoir de rapport sexuel, lorsque la femme a ses règles. Donc regardez, ici pourquoi Shir cite cette qissa, pour, c'est un moment de shahwa, et pourtant, ils mettent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de leurs envies et de leurs passions. وَيُذَكِّرُونَ أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالْ كَانَ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنْ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْيَهُودِ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابِ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ. Ibn Abbas dit, il y avait un quartier parmi les gens des Ansar où il y avait encore, c'était des gens qui adoraient les idoles. Et dans ce quartier, il y avait aussi des juifs parmi les gens du livre. Et regardez, quand on n'a pas la lumière de l'islam, ces gens-là, ces habitants-là de ce quartier, ils considéraient les juifs comme meilleurs que eux. فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرِ مِنْ فِعْلِهِمْ. Et comme il est considéré meilleur qu'eux, il les prenait comme modèle. Et regardez aujourd'hui, mes frères, beaucoup de musulmans prennent en exemple ou bien imite les non-musulmans. C'est une réalité ou pas? Il les imite. Et ça, c'est la preuve qu'il les considère mieux qu'eux. Ou ça peut montrer, ça peut indiquer qu'il les considère mieux qu'eux. Parce que tu imites quelqu'un parce que tu considères qu'il est meilleur que toi ou supérieur à toi. وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف على جانب. Et les gens du livre pratiquaient dans leurs relations sexuelles, يعني sur le côté. وذلك أسطر ما تكون المرأة. Parce que dans cette position-là, la femme est plus مسطورة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. Et ce quartier, ils ont pris cette habitude, ils ont imité les juifs dans cette pratique sexuelle. وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار. Et lorsque les gens de Mecca parmi les muhajirins sont arrivés à Médine, eux ils étaient assez libres dans leurs pratiques sexuelles sans rentrer dans les détails, et un homme s'est marié avec une femme de ce quartier. فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ. Et il a fait la pratique sexuelle qu'il avait l'habitude de faire. فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتِي عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي حَتَّى شَرِيَ الْأَمْرُهَا يعني عَظُمَ أَمْرُهَا. Et lorsqu'il a voulu avoir une pratique sexuelle, et qu'elle lui a dit stop, il a dit non, moi je ne pratique pas, je ne fais pas ça. Et l'affaire, elle est devenue tellement grande que l'homme, il a dû aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le même verset l'ait descendu. Nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum annashi'tum. Yani, l'homme, il peut pratiquer avec sa femme ce qu'il veut en pratique sexuelle, tant que c'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, dans les conditions qu'on a dit tout à l'heure. Et celui qui veut plus de renseignements, alhamdoulilah, il téléphone au savant et il aura la réponse à ses questions. Al-Muhim, on va continuer, hein. Dans ce hadith-là, dans le hadith qui est cité là, فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُولِ اللَّهِ. Lorsqu'elle a voulu avoir une pratique avec lui, elle a refusé de faire cette pratique sexuelle jusqu'à ce qu'elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهَكَذَا لَمْ يَجْرِفْهَا أَوْ لَمْ يَجْرُفْهَا عُنْفُوَانِ شَهْوَةٍ إِلَى مَشْبُوهُ تَخَافُهُ أَوْ حَرَامٌ تَخْشَاهُ. أبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Regardez cette femme, elle n'a pas été emportée par la force de la shahwa ou bien par un haram qu'elle craignait, et elle a demandé pour faire cette pratique l'avis du prophète صلى الله عليه وسلم. لقد كان الله أحب إليها من نفسها. Allah subhanahu wa ta'ala était plus important chez cette femme que sa propre personne. لقد قدمت حب الدين على شهوتها ورغباتها. Elle a mis devant l'amour de cette vie, l'amour de la religion devant l'amour de ses envies et de ses passions. وكم من الناس باعوا دينهم واوطانهم واموالهم من اجل متعه الجنس وليس بالحلال منه بل بالحرام عياذا بالله كانوا واصبحوا عبيدا للجمال. Et malheureusement, aujourd'hui, combien de gens, aujourd'hui, ils ont délaissé leur religion pour s'adonner à quoi? Pour s'adonner à leur pays ou à leur argent ou bien au sexe. Et ils sont devenus même des esclaves de la beauté, soi-disant, et du sexe. Wal'iyadu billah. ولكن تلك الأنصارية الفاضلة قالت إنما كنا نؤتي على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. Regardez comment elle est ferme cette femme. Elle lui a dit, écoute, soit tu pratiques la pratique que je connais ou sinon écarte-toi de moi. يعني الدين أغلى عندهم من كل شيء. La religion était plus importante chez eux que tout. لو لم يكن لدينا من معرفة إلا هذا عن الأنصار لكان كافيا ليفهمنا السر الذي من أجله كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وكانوا أحب الناس إليه كما في حديث أنس رضي الله عنه. Cette histoire nous suffit pour comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tellement les Ansar. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qu'il aimait le plus, c'étaient les Ansar. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il rapporte le hadith de Anas. Ra'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an-nisa was-sibyan muqbilina min 'urs. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des femmes et des enfants revenir d'un mariage. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال et le prophète sallam s'est levé fermement. Il a dit Allahumma antum min ahabbi an-nas ilay. Qalaha 3 marrat. Ça me dit oh Allah, ces gens-là, vous êtes les gens que j'aime le plus. Les Ansar étaient les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Wa qalat, maintenant on va revenir à l'histoire. Qalat Umm Sulaym, inni la uridu safra wa la bayda. Elle lui a dit, je ne veux de toi ni de l'argent ni de l'or, mais je veux de toi l'islam. Et ça sera ça ma dot. Ya'ni la turidu malan wa la dhahaban wa la fidda. Wa ha nahnu نرى اللاهثين والراكدين والساعين في النهار ليلا ونهارا من أجل المال. Et aujourd'hui c'est tout le contraire. La devise est tout autre. Aujourd'hui on voit les gens, ils sont essoufflés, tellement ils courent des heures durant, des nuits et des jours derrière l'argent. إنهم منهمون لا يشبعون. C'est comme des boulimiques, ils seront jamais rassasiés. وليس مرادهم كفاية أنفسهم ومن يعولون ولكن بطونهم لا تشبع ونفوسهم لا تقنع. Et il dit, si seulement ces gens-là faisaient ça vraiment pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, c'est bien. Pourquoi ça m'a dit دينار أنفقته في سبيل الله دينار أنفقته كذا وكذا. Pourquoi ça m'a dit un dinar que tu donnes في سبيل الله, un dinar que tu donnes pour faire ça, دينار أنفقته لعيالك, pour ta famille, أيهما أفضل, c'est lequel le meilleur, le meilleur dinar, c'est celui que tu as donné pour ta famille. Donc le fait de ramener, de chercher son risque pour nourrir, se nourrir sa famille, se venir à ses besoins de sa famille, il n'y a pas de mal dans ça. Mais il ne faut pas que ça devienne ton souci. Il ne faut pas que ça te fasse délaisser les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que ça te pousse à commettre des interdictions. Mais ces gens-là, qu'Allah nous en préserve, ils ne seront jamais rassasiés. Leur corps, leur ventre ne sera jamais rassasié et leur âme ne sera jamais satisfaite. Elle lui a dit, فَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي. Si tu acceptes l'islam, ça sera là ma dot que je te demanderai et je ne te demande rien d'autre. وَهَلْ هُنَاكَ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنَ الْإِسْلَامِ. La question qui se pose, y a-t-il quelque chose de plus grand et de plus important que l'islam? La laysa hunaka shay'un yusawihi aw yudanihi la adh-dhahab wala al-fidda wala al-mal wala ad-dunya kullaha. Rien n'égale à l'islam, mes frères. Ni l'argent, ni l'or, ni les biens, ni toute cette vie, est-ce qu'elle contient, ne peut avoir la valeur de l'islam. Hadhihi mawazin qulub al-hayya allati ta'malu lillah. تحب الله وتبغض, تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله. Voilà les gens qui avaient compris le chemin à suivre, les gens qui aimaient pour Allah, qui désapprouvaient pour Allah, qui donnaient pour Allah et qui s'empêchaient de donner pour Allah. Comme ça a été rapporté dans le hadith, من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. Prophète Samin dit, celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, qui désapprouve pour Allah, qui donne pour Allah et qui empêche de donner pour Allah, et même qui se marie pour Allah, sa foi sera complète. C'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Et al-wala wal-bara, vous retrouverez ce principe de wala, de al-bara aujourd'hui, que chez les gens de Ahl-Sunna wal-Jama'a. Ou sinon, tous les autres, ils pratiquent al-wala al-bara selon leur Jama'a. Si tu es avec moi, je t'aime bien. Si tu n'es pas avec moi, je te déteste. Ou je te désapprouve, ou je te considère moindre. Alors que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont une aqidah qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment pour Allah et ils les approuvent pour Allah, selon certaines règles qui peuvent faire l'objet d'un cours. وهل كان ردها أبا طلحة إلا لله وهل وافقت على الزواج منه إلا لله ما أعظمه من مهر إسلام رجل كافر. Et regardez cette femme, lorsqu'elle a refusé de se marier avec lui, c'était pour Allah. Et lorsqu'elle a accepté de se marier avec lui, c'était pour Allah. Et il n'y a pas plus grande dot que la conversion d'un musulman, d'un kafir qui rentre dans l'islam. Ensuite, dans l'histoire, elle est tombée, on a dit, enceinte. Et Abu Talha, elle a eu un enfant. Et cet enfant, Abu Talha l'aimait beaucoup. Jusqu'à que cet enfant est tombé malade, il a bouleversé Abu Talha. Il a été bouleversé par la maladie de cet enfant. Et cet enfant, et une fois, Abu Talha est revenu avec des invités. Ils ont mangé. Et lorsqu'il est parti, lorsque les invités sont partis, elle s'est habillée, elle s'est parfumée, elle a fait avec son mari ce que l'homme et la femme font entre eux. Et lorsqu'il lui a demandé comment va mon fils, qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Elle lui a dit « Ma askana ma yakoun ». Elle a dit « Il est dans un état paisible ». Yani ista'malat, yani kanat hadhihi al-mar'a tabhathu an asbab sa'adati zawjiha وراحته وإزالة النكد والحزن عنه. Regardez cette femme, son mari rentre à la maison et elle recherche pour son mari son bonheur, elle recherche sa tranquillité, elle recherche à enlever de lui tout souci et toute tristesse. C'est pas l'homme, il rentre chez lui comme aujourd'hui, il ramène déjà les fardeaux, les difficultés de la vie, et il rentre chez lui et sa femme, illa man rahim Allah, sa femme elle lui rajoute encore, Zama lui s'enfonce, elle enfonce encore plus. C'est pas comme ça que la femme musulmane, elle doit être avec son mari. C'est pas comme ça. Et ça nous rappelle yani mawqif Khadija radiyallahu anha ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, comme yani rawa l'imam al-Bukhari fi sahihi fi kitab bad'il wahy. Et ça nous rappelle le comportement que Khadija radiyallahu anha a eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans le chapitre Bad'ul Wahi, le commencement de la révélation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a monté, l'ange Jibril lui a récité le Coran, il est revenu. Yani, il est revenu, fadakhala ala Khadijati, faqala zammilouni, zammilouni. Yani, raja'a yarjifu fu'aduhu. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète est revenu, son cœur a tremblé. Il a pris peur. Il est rentré chez lui. Il a dit à Khadija, couvrez-moi, couvrez-moi. Fazammalouhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Ils l'ont couvert jusqu'à ce que cette peur est partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala li Khadijati wa akhbaraha al-khabar. Il a raconté à sa femme radhiyallahu anha ce qui s'est passé. Faqalat laqad khashitu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي. Quand le prophète sallam il explique à sa femme sa peur, il a dit wallah, j'ai vraiment eu peur. C'est vraiment quelque chose, il a pris vraiment peur le prophète sallam. فقالت كلا والله ما يخزيك الله ابدا. Regardez la femme comment elle se comporte avec son mari, elle dit wallah كلا والله لا يخزيك الله ابدا. Allah jamais ne te fera subir d'affront. Et après, elle a cité les qualités du prophète. Et les ulama, ils disent, ces qualités-là, c'est les qualités que tous les prophètes ont eues avant la révélation. Innaka latasilu rahim. Tu renforces, tu maintiens les liens de parenté. Ensuite, elle lui a dit, wa tahmilu al-kal. Yani, tu aides celui qui a des charges et qui a des difficultés dans la vie. Tu ne délaisses pas celui qui a beaucoup de charges, beaucoup de soucis. Wa taqra ad-dayf, et tu t'occupes, tu donnes l'invitation aux étrangers et aux invités. Wa tu'inu 'ala nawa'ib al-haq, et elle lui dit, tu viens au secours des victimes qui sont dans la vérité. Wa taksibu al-ma'doum, et lui a dit, tu donnes asile, tu donnes refuge à celui qui n'a rien. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi. Mais pourquoi je vous ai rapporté ça? Pour montrer comment Khadija radhiyallahu anha s'est comporté avec le prophète. Lorsque lui il rentre à la maison, il est effrayé. Et c'est comme ça que la femme musulmane, elle doit se comporter avec son mari. Et bien sûr, le mari doit se comporter de manière très bien avec sa femme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il disait khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses et moi je suis le meilleur avec mes épouses. Et comment elle a fait pour lui enlever cette tristesse, pour lui annoncer la nouvelle? Ist'amalat al-ma'arib li tahqiq hadha al-amr. في قولها ما كان منذ اشتكى اسكن منه الساعه. Elle a utilisé ce qu'on appelle le ma'arid. Ça veut dire, tu utilises une expression qui, dans son apparence, veut dire ça, mais en vérité, toi derrière, tu as une autre idée, une autre pensée. Alors, qu'elle lui a dit, maintenant, il est calme. Lui, il a pensé que ça y est, il est guéri. Et en fait, l'enfant était mort. حقا انه بالموت اسكن يعني اولا comment elle s'en est pris. استعملت المعارض, elle a utilisé une certaine forme dans les paroles. Deuxièmement, اتت بعشائه فقربته اليه فتعشى هو ومن معه. Elle lui a apporté la nourriture et il a mangé lui et les gens qui étaient avec lui. Troisièmement, تطيبت وتصنعت له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش الى يعني اخر الحديث. Et ensuite, elle est venue vers lui en se parfumant et en mettant ses plus beaux vêtements. يعني quatrièmement, تلطفت له في اخباره الامر بتمهيد وتوطئة ودرس في الصبر. قائلة يا أبا طلحة رأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قال فإن الله كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه فاحتسب واصبر. Elle a utilisé la douceur, la tranquillité, et elle a préparé le terrain en lui conseillant la patience et en lui donnant l'exemple. Elle lui a dit, si un peuple, si des gens prêtent quelque chose, lorsqu'ils redemandent, est-ce qu'on peut refuser? Il a dit non, on doit leur rendre leur prêt. Et il lui a dit, de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un enfant, et il a repris, recherche la récompense auprès d'Allah, et patiente. Ha, hada ka qawli sha'ir, wa mal malu wal ahluna, illa wada'i' wa la budda yawman. C'est comme le poète disait, les biens et la famille sont un dépôt. Et un jour ou un autre, les dépôts doivent être restitués. وَهَذَا مُسْتَقًا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. C'est comme ça a été rapporté dans une autre histoire où on est venu apporter la nouvelle au prophète sallam que son petit-fils est mort. Et le prophète sallam, il a dit, dites-lui à la mère, il me semble que c'était sa fille, il lui a dit, Allah appartient ce qu'il donne et Allah appartient ce qu'il reprend. Et tout ce qu'Allah donne, il le donne avec un délai. Et ordonne-lui de patienter et de rechercher la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ha hula in niswatu allati intasara bihin al-islam. Ça, c'est les femmes avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a secouru la religion. C'est les femmes qui ont enfanté, qui ont donné naissance à l'abtal, à des hommes comme les sahaba, comme les at-tabi'in radiyallahu anhum. Fahayya ya akhawatina ittakhidna من أم سليم قدوة أما وزوجة ومربية فاضلة. Et là, le shir invite les sœurs, les femmes en général, de prendre modèle sur Umm Sulaym, de prendre modèle dans Umm Sulaym en tant que femme, en tant que mère et en tant qu'éducatrice. تعلمنا منها حب الإسلام تعلمنا منها حب الدعوة تعلمنا منها الحكمة في الدعوة منها الصبر الجميل منها طاعة الزوج منها حسن تربية الأبناء. Il faut apprendre de Umm Sulaym l'amour de l'islam, l'amour de vouloir appeler les gens vers l'islam, le fait d'utiliser la sagesse et d'appeler vers la patience, et le fait d'obéir au mari et d'éduquer les enfants selon la meilleure éducation. ضعوا هذه القصة في قلوبكم وجعلوها في سلوككم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. Et là, le Cheikh nous invite à prendre cette histoire, de la mettre dans nos cœurs et de la mettre toujours entre nos yeux et de la prendre comme modèle et comme référence dans notre comportement. تعلموا الدروس والعبر من أم سليم رضي الله عنها. تحدثوا بها القصة لأزواجكم ليتأثرنا بها وليسرنا على طريقها. Et là, il faut aussi aux frères qu'ils apprennent cette histoire à leurs épouses, pour justement inciter nos épouses à prendre modèle sur Umm Sulaym et à suivre la voie de ces femmes. Et ensuite, dans l'histoire, elle dit, lorsque le matin, elle lui a informé l'histoire, elle lui a informé ce qu'il est arrivé à son fils, le matin, Abu Talha est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua. Il leur a dit « Barakallahu lakuma fi ghabiri laylatikuma » Qu'Allah bénisse la nuit que vous avez passée. « Fathakulat min dhalika al-haml » Et à la suite de ça, elle a eu un enfant. Et lorsque Umm Sulaym voyageait avec son mari Abu Talha, elle aimait voyager avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et revenir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Unzuru al-hirsu ala al-khayr wa ala al-rifqati wa ala al-ta'allumi minhu sallallahu alayhi wa sallam » وفي ذلك الاستفادة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الاستفادة من أحكام السفر والحضر السعي لزيادة الإيمان وكسب الثواب التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Regardez le souci des femmes, de cette femme, dans le fait de toujours être avec le prophète صلى الله عليه وسلم, de toujours vouloir le bien, de toujours avoir la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète voyageait, elle était toujours avec lui pour apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prendre modèle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour profiter de lui, de son comportement et profiter des règles du voyage et les règles du safar et les règles du hadar lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait à sa situation. C'est le fait de, comme Allah azza wa jalla dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Il y a vraiment un exemple dans le prophète d'Allah pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Umm Sulaym va donner naissance, apportez-moi l'enfant. Et pendant le voyage, elle a commencé à avoir des contractions. Et à ce moment-là, gardez leurs soucis, subhanallah, leur souci c'était... Ils étaient bloqués dans leur voyage d'être avec le prophète. Alors Abu Talha, il a fait la dua. Il a dit « Ya Rab, innaka la ta'lamu annahu yu'jibuni as-safara ma'a Rasulillah. An akhruja ma'ahu idha kharaj wa an adkhula ma'ahu idha dakhal. Wa qad ihtubistu bima tara. » Il a fait la dua, il a dit « Ya Allah, tu sais très bien que j'aime bien être avec le prophète sallam dans ses voyages. Et là, je suis bloqué. Ya Allah, facilite-moi. » Faqala Abu Talha يا رب إلى في الدعاء لقد توسل أبو طلحة إلى الله سبحانه وتعالى بحبه للنبي صلى الله بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجه ودخوله وأن يفرج عنه ما هو فيه وهذا من باب قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ici أبو طلحة il a pratiqué ce qu'on appelle le توسل. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers ses voyages avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'Allah le délivre de cette contrainte, pour qu'il puisse rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a appliqué ce qu'on appelle at-tawassul. Wat-tawassul fil-lugha, yani ittikhad wasilatan tusiluka ila maqsoudik. Tawassul, lughatan, c'est le fait de prendre une wasila, un moyen, qui va te faire parvenir à ton objectif. والتوسل شرعا نوعان. التوسل توسل dans l'aqida, on va trouver le tawassul dans le bab al-aqida, il y a deux formes de tawassul. Alors le fait de demander des du'a, d'invoquer. Il y a un tawassul mamnou' et un tawassul mashrou'. Il y a un tawassul qui est établi, qui est légiféré, qui est permis, et il y en a un autre qui est interdit et qui ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته التوسل بالإيمان والعمل الصالح أو التوسل بدعاء الرجل الصالح توسل qui est permis, c'est le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Tu lèves tes mains, tu dis Ya Allah, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est permis. Où tu demandes à Allah Azza wa Jal à travers l'a'mal saliha, à travers tes pratiques. Comme l'histoire des trois hommes qui sont rentrés dans la grotte, hein, et qui ont été bloqués. Le premier, il a invoqué Allah avec le respect envers ses parents. Le deuxième, avec sa chasteté lorsqu'il n'est pas tombé dans zina. Et le troisième, sa loyauté envers ses serviteurs, les gens qui travaillent chez lui. Et Allah Azza wa Jal, il disait Allahumma, si ce que l'on a fait, il était sincère pour toi et que tu as accepté, fafarrij ma nahnu fi. Oh Allah, délivre-nous avec ce qu'on a fait de la situation dans laquelle on est. Donc tu peux faire tawassul bil a'mal saliha. Et aussi tawassul, c'est que tu demandes à un homme, un savant et un homme pieux, qu'il te fasse des du'as. Tu lui dis, demande-nous des du'as, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait avec les compagnons, radiyallahu anhum. Tawassul il mamnou', celui qui est interdit. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes veulent faire revivre. Yani, ils veulent faire revivre des bid'as, alors que normalement, il est demandé aux musulmans de faire revivre des sunnas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ce tawassul ? C'est talaboul amwat. C'est le fait de demander aux morts. Et ce tawassul-là, c'est même du shirk. Tu demandes aux morts, c'est interdit. Parce que tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième forme de tawassul aussi qui est interdit, c'est at-tawassul bi jahi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou bi jahi al-anbiya ou bi jahi al-malaika ou bi jahi as-salihin. C'est le fait de demander à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la personnalité. Tu dis oh Allah, par la personnalité, par le rang qu'occupe le prophète, je te demande. Oh Allah, par le rang des prophètes, oh Allah, par le rang de Jibril qu'il occupe à tes yeux, donne-moi ci, donne-moi ça. Ce tawassul-là, fil haqiqa, il y a des khilaf, parce qu'il existe des hadiths, mais al-muhaqiqoun, ils ont dit tous les hadiths sont da'if. Et ils disent que ce tawassul-là est une bid'a fi dinillah, et c'est une innovation dans la religion d'Allah, et c'est une bid'a qui peut te ramener justement vers al-shirk. Comme le peuple de Nuh, les gens de Nuh, ils ont pratiqué. Au début, les gens, ils visitaient les statues. Ils ont fait des statues pour se remémorer les hommes pieux, et petit à petit ils ont invoqué, ils ont demandé par l'intermédiaire de ces statues, et finalement ils ont pris comme en shirk envers ces personnes. Donc il est interdit de le faire. قالت أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. Dès qu'Abu Talha رضي الله عنه il a fait cette dua, tout de suite elle a dit je ne ressens plus rien. أجاب الله دعاءه كيف لا وهو سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Comment Allah ne va-t-il pas accepter son invocation? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit votre Seigneur, et votre Seigneur a dit invoquez-moi et j'accepterai votre j'exaucerai votre vos invocations. وضرب المخاض حين قدم فولدت غلاما وقالت لابنها. Et ensuite, elle a enfanté et elle a donné son fils à Anas ibn Malik, son grand-fils. Elle a dit apporte-le avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prends avec toi des dattes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris des dattes, il les a mâchées et il a ouvert la bouche de l'enfant et il a fait le tahnik. Et l'enfant, il a pris directement de la salive du prophète sallam. Hakadha hirsu abawah an yaksiba al-baraka min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le souci des parents. Ils voulaient prendre directement la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله هذا ما كانوا ينشدونه هذا ما كانوا ينشدون وذاك ما كانوا يبتغونه. Et c'est ça que ces gens aspiraient, c'est vers ça que ces gens, sahaba radhiyallahu anhum, aspiraient, et c'est ça qu'ils recherchaient. Recherchaient d'être toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna hubba rasulillah ما كان يفارقهم ابدا. Et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais l'amour du prophète ne sortait de leur esprit. Regardez notre histoire dans le hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir un de ses servants, quelqu'un qui était au service, pas un servant. Le prophète, il avait des esclaves, hacha, c'était des gens qui voulaient être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme aujourd'hui il y a des gens qui sont au service des ulama. Il lui ramenait l'eau avec laquelle le prophète sallam faisait l'eau d'eau. Et une fois, le prophète sallam lui a dit, « Is'alli, demande ce que tu veux. » Il lui a dit, « As'aluka murafaqataka fil janna. » Alors que c'était une ahli safa, c'était parmi les pauvres. Il dormait dans la mosquée, il n'a ni maison, ni famille, ni vêtements. Il est pauvre. Il lui a dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Le prophète sallam lui a dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Il lui a dit, « Ya Rasulallah, je veux t'accompagner au paradis. » Alors qu'il aurait pu demander des biens, il aurait pu demander de l'argent. Regardez leurs soucis. As'aluka murafaqata kafil janna. Ça m'a dit, awa ghayra dhak. Il n'a pas dit awa ghayra hada. Il y a une faille dans la langue arabe. Awa ghayra dhak. Yani dhak. Parce que ce qu'il a demandé, c'est quelque chose. Il a dit, demande autre chose. Parce que ce que tu as demandé, c'est quelque chose de très très grand. Il lui a dit, la as'aluka ghayra. Ya Rasulallah, je ne te demande rien d'autre que ça. Alors le prophète me dit, fa'inni bi kathrati sujoud. Aide-moi, si tu veux vraiment ça, fais beaucoup de sujoud, fais beaucoup de salat. Regardez le souci. Toujours les compagnons du prophète, ils avaient ce souci d'être avec le prophète. Et tu pourras être avec le prophète, fil akhira, que si tu as suivi ses pas dans cette dunya, dans cette vie. On a bientôt terminé. Hein. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سميه. Sa mère, elle lui a dit, tu vas le ramener chez le prophète, et c'est le prophète qui va lui donner son nom. Et Anas ibn Malik a dit, Rasulallah, donne-lui un nom. حتى التسمية طلبوها من رسول الله. Même le fait de donner un nom, ils l'ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم. فمسح رسول الله وجهه وسماه عبد الله فكان في الأنصار فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. Et le prophète, il a essuyé son visage. Et il appelait Abdallah, il n'y avait pas meilleur jeune que lui. لأن الله سبحانه وتعالى من عليه بأبوين يربيانه ويؤدبانه بأدب الإسلام ويتابعانه فيما يرضي الله عز وجل. Parce que cet enfant Abdallah, il avait derrière lui des parents qui étaient soucieux de l'éducation de leurs enfants. C'est pour ça chacun d'entre nous. C'est pas tu t'es marié, tu as eu des enfants, ça y est, j'ai atteint mon objectif. Non, tout l'effort reste encore à faire. Il y a l'éducation des enfants qui est une chose très difficile. Il faut demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَخَرَجَ مِنْهُ رَجُلٌ كَثِيرٌ وَاسْتَشْهَدَ عَبْدُ اللَّهِ بِفَارِسٍ. Et de Abdullah, de ce Abdullah, yani Ibn Abi Talha, il eut beaucoup d'enfants. Même dans la riwaya de Bukhari, Ibn Uwayna, Ibn Unayna rapporte, il dit, كان رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله. Dans la riwaya de Bukhari ramène, d'après Unayna, il dit, cet homme, Abdullah, il a dit, je l'ai vu de mes yeux, il a eu 9 enfants, et ces 9 enfants étaient tous des hufad Qur'an al-Karim. Tous maîtriser le Coran al-Karim. Et ce Abdullah, il est mort malgré tout ce mérite qu'il a eu. Il est mort en martyr à Faris, un endroit en Perse, et c'est comme ça, c'est de là qu'on doit prendre, c'est de ces gens-là, les musulmans, ils doivent prendre aujourd'hui le modèle. C'est pas des gens qui sont autour de nous, parfois qui sont ignorants, ou parfois qui ne sont même pas musulmans, que le musulman, il doit prendre au modèle. Et il faut les imiter. Même si tu n'arrives pas à être comme eux, essaye de les imiter. Comme il disait le poète, Tashabbahu bihim, illam takunu mithlahum, fa inna tashabbuha bil kirami, falah. Le poète disait, imite-les si tu n'arrives pas à être comme eux. Car le fait de les imiter, imiter, Tashabbuhu bil kiram, imiter les gens nobles, falah, c'est en soi, c'est déjà un succès et c'est déjà une réussite. Walmar'u, comme le professeur Salim l'a dit, Walmar'u ma'a man ahab. La personne sera avec celle qu'il aime. Nas'Allah Azza wa Jal an yataqabbala minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.